que tu ne sais plus, les chants de ta mémoire que tu n'écoutes plus. Je t'apprendrai à lire entre toutes ces lignes, à sculpter, à écrire et réformer les signes. Si lourde ta douleur, si triste en est sa mise, apporte dans ton cœur toutes ces heures grises. Je t'apprendrai ces mots qui brillent dans la poussière, à fleur d'âme, à fleur d'eau qui seront ta lumière. Je t'apprendrai encore à peupler ton silence pour le changer en or et rime d'espérance. Si profonde est ta peine à dormir épuisée, je me ferai sirène pour aller la noyer. Je t'apprendrai l'été, le toucher du velours, mon encre et le papier qui caresse mes jours. Je t'apprendrai l'hiver, à découvrir ses pages, à percer mes mystères, mes ondes et mes plages. Si longue est ta souffrance, la brise